C'est qui ? L'enveloppe. Vous l'avez trouvée comment ? Comme pour tout le reste. Je peux rentrer ? J'ai le choix. On a toujours le choix. Moi, j'aime penser que tout ce qui nous reste à la fin, c'est le libre arbitre. Comment tu vas ? Comme quelqu'un qui a perdu son fils. Je comprends. Enfin, je comprends pas, mais je comprends quand même. T'as réfléchi à ce que tu voulais faire ? Depuis sa mort, j'ai eu toutes les minutes, toutes les heures, toutes ces putains de journées pour réfléchir. Ok. Et qu'est-ce que t'en as conclu ? Tu es censé faire quoi ? Me faire justice moi-même ? Est-ce que t'as l'impression qu'il y a une justice dans ce monde ? Moi, j'ai pas l'impression. Je sais pas qui vous êtes. Pourquoi m'aider ? Pourquoi moi ? Pourquoi pas ? Est-ce que c'est pas pour ça qu'on est tous là au fond ? S'entraider ?